Ok. 2007, la chronique. Y'a cette fois se ferme, la mort tout pour nous la mettre, hein. Système malhonnête et des problèmes qui arrivent en traître, hein. Monde qui tombe par rond où les violeurs sont des prêtres. Et on parle de tournante dans les sous-sols du guet. Les urnes 2007 ont un parfum d'Hitler. Non, je n'oublierai pas l'expression du Karcher. Cette bavure policière à mon sein de place Colbert, où les keufs courent toujours défendus par le ministère. Regarde la technique des ports dans les contrôles de Paplard. Une fusillade à mort, ça c'est pas ce quartier nord. Trop de pulsions à l'intérieur, impossible à contrôler. Donc les nerfs craquent, les verres claquent, les claques tombent, les gars tombent dans le crâne. Les nerfs du système, les frères partent, les gars tombent. On compte plus sur la force du nombre, on se contente de ce qu'on a pour sortir de l'ombre, toujours sur la défensive, parce qu'il y a plus rien de sûr dans ce monde. Je veux d'une vie comme je la vois, pas comme eux la conçoit. 2007 m'a mis la poix, je me relève pour mettre les voiles. Mais je me voile pas la face, y'a pas de Rambo dans ce bas monde. Utopie, rêve et mystère t'accompagnent jusqu'à ta tombe. Demain tout ira mieux, c'est ce qu'on me disait, mais j'y crois plus. C'est ce qu'on me disait, mais j'y crois plus. Y'a cette place qu'on cherche dans la roue, cette route qu'on trace, mais jusqu'à où? Qui nie que l'époque est folle et que la voix se console? Y'a des chromofrocs et des phoques au proc. La guerre à la télé, ces images qui choquent. Y'a ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on subit, qui voit pas l'écart de nos droits, les immeubles en ton car, les chômeurs motivés qui luttent contre le froid. Les photos sont CV dans l'œil du boss qui passe pas. Une gauche, une droite, un juste milieu, y'a pas. Y'a les baveux d'office et ceux qui se payent l'avocat. Nombreuses sont les plans qui se moquent de ce qu'on est. T'auras le droit à la parole que si tu lèves la World Cup. Les pensées tassées comme un spliff bien chargé. Les plaintes se multiplient parce que les choses n'ont pas changé. Les mêmes comptes de feu aux mêmes périodes chaque année. Banal comme un frère qui tombe juste avant l'été. Les pensées tassées comme un spliff bien chargé. Les plaintes se multiplient parce que les choses n'ont pas changé. Les mêmes comptes de feu aux mêmes périodes chaque année. Banal comme un frère qui tombe juste avant l'été. La vie c'est beau temps et c'est mauvaise passe. Passer le temps à fumer le bédo sur le banc et être dans l'impasse. C'est beau beau, boss ou brasse dans l'illégal. C'est pas Coco Chanel pour tous les gars. Sa fausse couture, découpe de lamelles sur les plaques. Pour ce qui mène la vie dure et dure de remplir la gamelle. C'est pas si charmel, tu as ce qu'il a chiale, ce qu'il a cherche. La cache entre quatre murs, ce qu'il a vive à l'aise. À la sirex, ce qu'il les raye, ce qu'il les tienne à la lettre. Ceux qui connaissent pas le malaise, ce putain de mal-être. Être mis à l'écart par l'épiderme ou la violence, il est avec. Il aime les voir qu'avec le balai ou se faire keb là par les decks. La vie c'est hoche pour ce gosse qui la chevauche sans l'aide de ses chairs. C'est plier les chines, la débauche et l'échec. Ou faire son chip et sa foi une force pour grimper l'échelle. Au fond c'est cher payer, c'est payer cher sa mort dans un sachet. La vie c'est chême, sous les chats et la charité. C'est crime et châtiment même pour les chefs d'état la vérité. C'est charabia qui sort de leur bouche. C'est boucherie, sarconnerie pour un futur proche plus que chaotique. C'est charivari sous les bâtiments entre shit et chivas. Il en faut peu pour sa chicote, suffit d'un mauvais regard. Voir sa vie chic dans bon charolais au volant d'une chevrolet. Après cligner au poignet, hocher du cassoulet toute sa vie. Vider sa vie sans chiotte, passer le temps à saouler. Tire-toi sans une si t'as peur, perds tes dents. La vie c'est choc comme taper sur oreille de coco sur une chatte. Quand ça fait toc toc à ta porte et que t'as 2 kilos dans le sac. Comme ce pervers européen dans les ruelles de Chinatown. À la recherche de son fantasme qui se finira avec une jeunette à pas cher. Les pensées tassées comme un spliff bien chargé. Les plaintes se multiplient parce que les choses n'ont pas changé. Les mêmes comptes de feu aux mêmes périodes chaque année. Banal comme un frère qui tombe juste avant l'été. Les pensées tassées comme un spliff bien chargé. Les plaintes se multiplient parce que les choses n'ont pas changé. Les mêmes comptes de feu aux mêmes périodes chaque année. Banal comme un frère qui tombe juste avant l'été. Les pensées tassées comme un spliff bien chargé. Les plaintes se multiplient parce que les choses n'ont pas changé. Les mêmes comptes de feu aux mêmes périodes chaque année. Banal comme un frère qui tombe juste avant l'été. Les pensées tassées comme un spliff bien chargé. Les plaintes se multiplient parce que les choses n'ont pas changé. Les mêmes comptes de feu aux mêmes périodes chaque année. Banal comme un frère qui tombe juste avant l'été.